Imaginez-vous en train de travailler avec une équipe dynamique, où chaque personne apporte son expertise et sa créativité pour atteindre un objectif commun. C'est exactement ce que propose la formation WorkLab, un programme de 2 jours qui vous apprend à tirer le meilleur parti du collectif et à animer des ateliers de co-construction de manière efficace. L'objectif de cette formation est de vous donner les compétences nécessaires pour favoriser la collaboration et la créativité au sein d'un groupe. Vous apprendrez à utiliser des outils et des méthodes pour mettre en pratique ces compétences, comme la posture du facilitateur, les techniques de facilitation, la créativité et la gestion de groupe. Les participants à cette formation bénéficient d'une approche interactive, avec des exercices et des jeux qui permettent de mettre en pratique les compétences apprises. La formation WorkLab est conçue pour être pratique et applicable dans votre vie professionnelle. Vous recevrez des outils et des ressources pour poursuivre votre apprentissage après la formation, ce qui vous permettra de continuer à améliorer vos compétences en matière de facilitation de groupe et de collaboration. Que vous soyez un professionnel expérimenté ou en début de carrière, cette formation est une excellente opportunité pour vous de développer vos compétences et de prendre votre travail à un niveau supérieur. En fin de compte, la formation WorkLab est une occasion unique de découvrir le pouvoir du collectif et de devenir un leader efficace dans votre équipe ou organisation. Alors, pourquoi ne pas vous inscrire et commencer à tirer le meilleur parti du collectif? Vous verrez, les résultats seront incroyables. La collaboration et la créativité sont les clés pour réussir dans un monde en constante évolution, et la formation WorkLab est là pour vous aider à les acquérir.